va maintenant parler d'une opération qui est une opération qu'on a montée dans la Biovallée, cette partie de la vallée de la Drôme qui s'étend depuis le Rhône jusqu'à l'arrière-pays, un peu derrière le Diois, qui regroupe trois ou quatre intercommunalités et qui est basée sur la formation spécifique des artisans. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Alors un rappel pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui auraient un peu trop bu à midi. Pourquoi est-ce qu'il faut rénover les bâtiments et le faire très très vite? La première chose, c'est qu'on arrive effectivement à la fin des gisements d'énergie. On voit arriver le bout de deux manières. D'abord, le volume, le réservoir est quand même en train de présenter quelques fragilités, on va dire. Et puis, il y a également un problème de robinet, c'est-à-dire qu'avec le pic de Hubert, on a compris que le gisement était insuffisant, il est dans sa deuxième, dans sa partie de décroissance, et que même si on voulait aller plus vite, on ne pourrait pas extraire plus de pétrole et de gaz qu'on ne le fait actuellement. Autrement dit, il y a rupture entre l'offre et la demande. Ça veut dire que le prix va augmenter forcément, et ça c'est important. La deuxième raison, évidemment, vous la connaissez tous, c'est celle liée au changement climatique. Et si on veut éviter la menace du changement climatique, il faut qu'on divise par un facteur 4 à 7. Plutôt plus près de 7 que de 4 d'ailleurs, l'ensemble de nos émissions, c'est-à-dire aussi surtout l'ensemble de nos consommations d'énergie. Et Pachauri, président du GIEC, avait même dit qu'il fallait qu'avant 2015, on ait réussi à inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre si on voulait éviter l'emballement du climat. Donc on est dans une situation qui est assez délicate au niveau climatique. Je pense que globalement, on n'en a pas pris conscience tous ensemble, pas suffisamment en tout cas, et que du coup on est dans des actions qui sont assez molles, qui se décident très lentement et qui vont pas du tout à la vitesse qu'il faudrait. Vincent vous a montré tout à l'heure ce document qui montre la structure du parc de logements d'avant 1975, avant 75 parce que il n'y avait pas de réglementation thermique, donc ils sont a priori pas isolés ou très peu isolés, dans lequel on a vu qu'il y avait plus de la moitié, 53% de maisons individuelles. Puis 19, pratiquement 20% de petits bâtiments, hein, pas plus de 10 logements. Et puis le reste, 27%, c'est ce qu'on appelle les immeubles. Alors cette particularité est intéressante et d'autant plus intéressante si en plus on s'intéresse à la consommation spécifique de chauffage pour chaque type par exemple, une maison individuelle a une consommation de chauffage qui est supérieure à un petit bâtiment de 9 logements et qui est elle-même supérieure à un gros immeuble en ville qui est plus dense, plus compact, si vous voulez. Si je pondère avec ces valeurs-là, ben, on arrive à la conclusion que le chauffage des maisons individuelles, c'est les deux tiers de la consommation d'énergie, c'est les deux tiers de la consommation de chauffage totale, je veux dire. Les petits bâtiments, c'est encore 16%. Les deux ensemble, c'est 80%. Et il reste moins de 20% pour les immeubles. Or, tout ce qu'on voit, tout ce qui sort, tout ce qui est fait comme si toute la rénovation concernait des grands bâtiments. C'est donc une erreur stratégique importante. J'ai jamais vu quoi que ce soit sortir des ministères et qui tiennent compte du fait qu'en réalité, eh bien, on va s'adresser aux artisans et aux PME. Le marché de la rénovation, c'est le marché des artisans et des PME. Et ça apparaît nulle part. Ça apparaît tellement peu qu'on est déjà parti dans des fantasmes selon lesquels on va demander des calculs réglementaires. Déjà, pour les maîtres d'œuvre ordinaires, ce n'est pas toujours bien fait. Mais les artisans, il y a 9 ans, quand j'avais été voir la CAPEB, m'avaient dit, on veut bien rénover, mais surtout, ne nous faites jamais de calculs, sinon on ne viendra pas. Donc, il faut adapter la stratégie à ces acteurs-là qui sont ceux qui feront. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les majeurs ne sont pas prêts à s'engager sur ce terrain, ce n'est pas leur domaine, c'est pas, ils sont pas, ils n'ont pas une présence sur tout le territoire comme il le faudrait. Il faudrait qu'ils s'appuient eux-mêmes sur les artisans, c'est un peu compliqué, mais ils peuvent s'organiser. Autrement dit, les artisans sont devant un marché potentiellement très important pour eux, ils ne se sont pas structurés pour cueillir ce marché. S'ils attendent un peu trop, d'autres le feront à leur place. À quel niveau est-ce qu'il faut rénover? Quand on fait l'analyse des consommations, on va s'intéresser surtout à l'ensemble du parc aujourd'hui, dans le secteur résidentiel. On a 210 kWh par mètre carré de consommation moyenne de le chauffage dans les logements. On divise par 4, facteur 4, Ça nous fait, et on arrondit, ça nous fait 50 kWh. Sur l'eau chaude sanitaire, on est à 38, on divise par 4, on arrondit, ça fait 10 kWh. Si maintenant, je m'intéresse au facteur 7, qui est quand même aussi un chiffre qui revient assez souvent, avec bien des raisons, je vais juste changer la division au bout de la ligne, voilà, ça fait 30 kWh, et ça, c'est quelque chose que je dois pouvoir mesurer sur un compteur d'énergie en amont, donc un compteur d'énergie primaire. Et puis en eau chaude, je descends encore beaucoup plus bas. Je suis à 5-6 kWh, c'est vraiment pas beaucoup. Vous vous souvenez du Grenelle de l'environnement 2007, dont une mesure phare concernait la rénovation. Il s'agissait qu'en 2020, l'ensemble du parc de cette époque-là, c'est-à-dire celui d'aujourd'hui, enfin de 2007, plus tout ce qui aura été construit entre-temps, consomme 38% d'énergie de moins que ce qu'il consommait en 2007. Dit comme ça parle pas beaucoup. Et donc, j'ai procédé différemment. Je me suis dit, si on devait atteindre ces 38% en rénovant prioritairement les logements ou les équivalents logements, on va dire les bureaux, d'avant 1975, quel devrait être l'effort? Eh bien, il faudrait en rénover en 10 ans, donc maintenant on n'a plus que 8 ans, 1 million de logements ou d'équivalents logements par an, au niveau de 50 kWh par mètre carré par an. C'est l'effort. Autant dire que, si on compare à la prévision actuelle du gouvernement, tout pas la prévision, mais la volonté d'en rénover 600 000, on est déjà exactement à la moitié, puisque 8 ans, ça ferait 1 200 000 logements. On est à la moitié de ce qu'il faudrait faire pour atteindre le Grenelle. Le Grenelle, de ce point de vue-là, est donc mort, faute d'avoir agi rapidement. Première question, est-ce que ces valeurs sont techniquement réalisables, 50 kWh? Ben oui, on l'a déjà fait à Mulhouse en 2005-2006, on a fait ses premières rénovations à basse consommation, donc c'est tout à fait faisable. Mais pour vous donner un peu le moral quand même, les Autrichiens, eux, visaient facteur 10, ils ont fait facteur 19. Ils sont passés de, c'est pas par hasard, ils ont amélioré leur performance en cours, ils sont passés de 280 kWh à 15 kWh. Et nous-mêmes, dans la Drôme, on a rénové le bâtiment de la Fédération du bâtiment de la FFB Drôme-Ardèche et on l'a transformé en bâtiment énergie positive. Donc, mettez-vous bien dans l'esprit que ce n'est pas un problème technique. On y arrive. Après, c'est aussi des questions de coût hein, pour en arriver là. C'est ici, ça a coûté plus de 700 euros par mètre carré, ce qui, quand on réfléchit bien, n'a rien d'exorbitant, mais n'est pas acceptable par tout le monde. Donc, ce n'est pas un problème technique. Comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre? Ben, c'est clair que pour arriver à rénover même 600 000 logements par an, c'est pas en incitant les gens. Les Allemands qui sont sur un principe d'incitation en mettant 30% de subvention des travaux rénovent 265 000 logements par an sur un parc qui est quand même un tiers plus grand que le nôtre. Donc nous, on en rénoverait moins de 200 000. Ça veut dire que l'incitation, et ça, il faut aussi se le mettre dans la tête, ne permettra jamais d'atteindre la vitesse de pénétration de la rénovation qu'il faut. On doit donc rendre obligatoire la rénovation si on veut qu'elle apporte ses fruits. Rendre la rénovation obligatoire, très bien, mais ça ne suffira pas. Il faut en plus rendre obligatoire le niveau de la performance à atteindre. À défaut de quoi, les gens mettront comme avant 5 ou 6 cm d'isolant sur les murs et ils en seront contents. C'est bien les seuls. Car en réalité, en faisant ça, ils vont tuer le gisement, c'est-à-dire qu'on va passer de 300 kWh à 150, mais le reste de 150 à 50, plus jamais on ira le chercher pour plusieurs raisons. D'abord, économiquement, ça ne tiendra plus à route. Deuxièmement, on va refaire deux fois les travaux, notamment en rajoutant de l'isolant sur les murs. Autrement dit, on va mobiliser deux fois la main-d'œuvre. Or, la main-d'œuvre en France, c'est la chose la plus rare qui soit. Les entreprises de bâtiment n'arrivent plus à embaucher. La moyenne d'âge est de 50 ans. Et tous les entrepreneurs, interrogez-les, vous le diront, on n'arrive plus à trouver des gens en France pour venir travailler chez nous. On embauche aujourd'hui des gens qui veulent bien travailler, mais qui viennent de l'étranger. Voilà la situation réelle en France. Il vaut mieux être magasinier quand on est dans une boîte de nuit que maçon. Ça n'a pas tellement d'image de marque, le métier du bâtiment. Donc, si on s'y prend deux fois, tout simplement, on calera devant une question de main-d'œuvre. On n'aura pas la main-d'œuvre suffisante. Il y a au moins deux raisons, hein, ces deux raisons-là, mais il y en a plein d'autres aussi, pour lesquelles il faut à tout prix faire les travaux en une seule fois et pas procéder en 50. D'un point de vue pratique, en tant que bureau d'études, je peux dire que je ne sais pas faire marcher un bâtiment dont vous aurez rénové qu'une partie, un bout de mur ici, un autre là-bas, etc. Je ne sais plus faire marcher le chauffage de manière cohérente. Si en plus vous avez changé les fenêtres, pas mis de ventilation, on va avoir des pathologies dans tous les sens. C'est la plus mauvaise idée qui soit de rénover par morceaux. C'est séduisant sur le papier, mais ça ne tient absolument pas la route sur le plan technique. Donc il ne faut pas aller dans cette direction-là. Vous tuerez de la manière la plus certaine qui soit le gisement en le faisant. Alors, les objectifs pour la Biovallée, c'est quoi? La Biovallée, c'est donner un objectif qui est assez irréaliste, il faut être franc. Facteur 4 sur l'énergie à 2020, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on y arrive. Mais enfin, si on ne se donne pas d'objectif, on n'y arrivera pas non plus, on n'ira nulle part. Ensuite, il y a 15 000 maisons occupées principalement par leurs propriétaires dans cette vallée. Et c'est ça l'enjeu. 15 000 maisons, ça intéresse un secteur du bâtiment qui est effectivement relativement dynamique, bien rodé à la rénovation, pas forcément thermique, mais rénovation tout court ici, notamment parce qu'il y a pas mal de tourisme et de résidences secondaires. C'est des gens qui connaissent. L'approche Biovallée, ça a été celle de Négawatt avec sobriété, efficacité, et puis des concepts qu'on va développer tout à l'heure. Donc c'est cette approche-là qui a été mise en œuvre dans la partie rénovation du projet Biovallée, qui est plus large, je ne l'ai pas dit. Le projet Biovallée, en gros, l'objectif des promoteurs ici, des promoteurs, c'est-à-dire les politiques, c'est de faire le Fribourg rural. C'est très ambitieux, mais avec des moyens qui ne sont pas forcément tout à fait à la hauteur encore, hein, et multiplier par deux, par exemple, passer de 20 à 50% l'agriculture biologique dans la vallée. Actuellement, il y a 20% d'agriculture biologique. Et puis, bah, par exemple, sur la rénovation, d'arriver à rénover dans un délai très court l'ensemble des logements. On a réussi aussi un tour de force dans la mesure où on a mobilisé tous les partenaires. C'est pas facile, hein, CAPEB et FFB, vous pouvez les voir séparément, mais les mettre autour de la même table. Bon, voilà, c'est un peu compliqué parfois. Ça fonctionne bien. On a Néopolis aussi qui fait des formations sur des techniques nouvelles de la construction. Donc l'équipe est complète, l'équipe opérationnelle est complète. Alors, il y a une demande potentielle, c'est très clair, mais qu'est-ce qu'on observe? Une planète qui est à l'agonie, il faut être très clair, la survie de l'homme qui est en jeu. Bon, l'impératif du Grenelle, 1 million de logements rénovés par an, à très bas niveau de consommation. Qu'on ne va pas réussir à faire. Un marché colossal pour les artisans et les petites entreprises, mais dont ils n'ont pas vraiment conscience que ça va leur échapper s'ils ne bougent pas. Une demande qui est parcellaire, mais qui n'est pas nulle. Combien de personnes sont déjà venues nous voir et nous disent: j'aimerais rénover ma maison, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, pour l'instant, attendez un peu, pas grand-chose, parce que vous voulez que je dise quoi, moi? Allez voir le menuisier, il va vous renseigner. Et puis tout le reste, ben non, il n'y a pas de tout le reste justement. Et il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi? Ben parce qu'en réalité, d'abord en France, le particulier ne va jamais faire appel à un maître d'œuvre pour rénover sa maison. À part les gens qui ont de très grandes maisons, des maisons de maître, etc., qui feront appel à un architecte. Mais la rénovation courante ne passera jamais par un architecte. Elle passera encore moins par un bureau d'études. Parce que dans l'esprit des gens, à tort ou à raison, c'est des dépenses inutiles. C'est des gens qui vont ponctionner 15% sur le coût des travaux. Ça sert à rien. Bon, voilà, il faut faire avec ça. C'est une donnée française. C'est pas comme ça ailleurs. Chez nous, c'est comme ça. Deuxièmement, le particulier qui a l'intention de rénover sa maison entame un parcours du combattant. Il doit lui-même recruter tous les corps de métier. Donc déjà, faut qu'il sache qu'il y a à faire. Alors, il a déjà entendu parler des fenêtres, surtout qu'avec ses simples vitrages, il a un peu froid. Donc, il va contacter un menuisier qui va lui dire: je vais mettre du double vitrage, très bien. Puis, il va lui dire: mais ça, pas toute ma rénovation ne va pas tenir ça. Peut-être faut que je rénove la toiture. Vous avez un confrère? Oui, j'ai un confrère qui va proposer 150 ou 200 mm. C'est évidemment insuffisant. Et puis, ainsi de suite. Mais il ne va pas forcément atteindre tous les corps de métier. Pour faire ça, il faudrait qu'il soit lui-même professionnel du bâtiment, qu'il sache ce qu'il y avait à faire. Mais il n'en a aucune idée. Donc, il va aller à la pêche et il s'arrêtera au milieu. S'il veut faire bien, il faut aussi qu'il donne le niveau de la performance à chacun des artisans. En lui disant: là, ici, j'ai besoin de double ou de triple vitrage. Dans ma toiture, je voudrais 40 cm d'isolant. Mes murs, attention, pas moins de 15 ou de 20 cm d'isolant. Attention, l'étanchéité à l'air. Non, mais vous imaginez le particulier? Ça ne peut pas être n'importe qui. On voit très bien que ce n'est pas ça qui va se passer. Puis en plus, il faudra certainement qu'il s'occupe de tout le pilotage du chantier, parce que ces gens ne vont pas forcément se parler entre eux. Ils vont venir, il y en a, il pose ses fenêtres, il s'en va, il a fini son boulot. Qui va les piloter? Qui va les coordonner? Qui va aller sur le chantier pour voir le travail? Si c'est bien fait, pas fait, ben c'est le particulier. Autrement dit, aujourd'hui, c'est totalement impossible à un particulier de mener à bien une rénovation s'il n'est pas lui-même professionnel du bâtiment. Autrement dit, personne ne peut le faire. Donc, on est devant un marché potentiellement important, mais simplement, il n'y a aucune offre en face, aucune offre structurée. Le particulier fait une demande, mais personne ne lui offre une réponse à cette demande. Et c'est ce qu'on a cherché à combler aujourd'hui dans cette Biovallée en travaillant au corps le sujet. Alors, la situation, elle pourrait évoluer comment? Je parle au conditionnel. Bien sûr, la hausse inéluctable du prix de l'énergie va faire que de plus en plus de gens vont se dire bah, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Là, ça commence à être cher. Ça, c'est sûr que c'est un élément moteur. Deuxièmement, on sait que l'État a la velléité, en tout cas, de vouloir se lancer dans cette rénovation. Et on sait qu'il travaille sur des outils d'ingénierie financière, c'est-à-dire des moyens qui vont permettre le financement de ces travaux par les particuliers, de manière à ce que, en gros, ils n'aient pas à dépenser, ils n'aient pas à aller chercher dans une cagnotte, dans de l'épargne, pour faire ces travaux. Que ces travaux s'équilibrent eux-mêmes avec les économies d'énergie qu'ils vont faire. Donc ça aussi, ça va inciter les gens à aller un petit peu plus loin. Ensuite, on sait, je ne sais pas si ça va se faire, mais on sait que l'État a l'intention de rendre obligatoire, tôt ou tard, cette rénovation thermique. C'est clair que ce jour-là, ça va décoller. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour faire que ça marche? Mais toujours pas, parce que ça ne va pas changer le problème. Si demain, c'est obligatoire, vous allez aller vous tourner vers qui? Vers des opportunistes qui vont se pointer, mais rien ne sera en face de vous construit, que vous puissiez accepter, qui vous paraisse sérieux. Donc, il faut qu'une offre crédible se construise. Alors, pour ça, il faut que les entreprises se regroupent. C'est clair que le particulier ne peut pas aller à la pêche à la ligne. Il doit avoir en face de lui un groupement qui a toutes les compétences, qui a une tête, c'est-à-dire un pilote, peu importe lequel, c'est quelqu'un parmi eux, qui sera le pilote qui conduira le projet, qui ira vers le particulier. Le particulier ne connaîtra celui-ci. Il faut que ce groupement ait un fonctionnement parfaitement coordonné. C'est-à-dire que ce n'est pas des individus qu'on juxtapose, c'est des gens qui auront pris l'habitude de travailler ensemble, de faire des propositions qui sont des propositions réfléchies, qui sont globales, qui ne sont pas uniquement « moi je fais ça, toi je ne sais pas ce que tu fais, je m'en fous ». Ce n'est pas ça l'objet, ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Et puis troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, ce groupement doit avoir une stratégie commerciale globale. C'est pas, le prix ne peut pas être la superposition des devis de toutes les entreprises. Ça, c'est sûr qu'on dérape et qu'on part dans les choux. La stratégie globale, on la verra tout à l'heure, c'est un travail sur l'offre. On ne va pas vers le particulier comme ça, uniquement chacun en ayant fait un prix à la va-vite. Ça, c'est sûr que ça sera beaucoup trop cher. Et si c'est trop cher, il n'y a pas de marché, il n'y a rien à faire. Donc, c'est sur ça qu'on va travailler avec eux. Alors, on va vite voir les critères de cette offre globale qu'on aimerait voir proposer aux particuliers. Donc cette offre, elle doit effectivement comporter tous les volets, le prix, la compétence, le pilotage, la maîtrise du projet, tout ça c'est essentiel. Elle doit aussi permettre de n'avoir qu'un seul interlocuteur, le pilote. Il est là pour négocier, il est là pour coordonner, il est là pour arbitrer, il est là pour que le groupe marche et qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur, effectivement. Le groupement, il doit avoir toutes les compétences. On ne peut pas imaginer que nous, on est très bons, mais on n'a pas de chauffagiste. Ah, c'est embêtant, ça. Le chauffagiste, c'est quand même quelqu'un d'important. Et si on a un chauffagiste, il faudra qu'il soit compétent. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Il faudra justement que l'offre soit cohérente. Par cohérente, je veux dire que on revient au chauffagiste. On ne peut pas se retrouver avec un projet où on a divisé par 10 les besoins, mais où on laisse une chaudière beaucoup trop puissante. Si le chauffagiste, comme c'est un peu sa tendance, viendra vite mettre une très grosse chaudière là où on a besoin plus que de 2 ou 3 kilowatts dans une maison, il faut le reconnaître, la chaudière, elle tombera en panne en 15 jours, 3 semaines. Et elle coûtera cher pour rien. Donc ça, ce n'est pas une offre qui serait cohérente qu'une offre qui comporterait une surpuissance monumentale parce qu'on a toujours fait comme ça, que parce que qui peut le plus peut le moins, enfin les ritournelles qu'on a tous toujours entendues, elles sont plus valables ici. Il faut aussi qu'il y ait une bonne cohérence dans les résistances thermiques qu'on est en œuvre entre les murs, la toile, le plafond, le sol, les vitrages, tout ça doit être bien en cohérence. Vous verrez ce que ça veut dire tout à l'heure. Elle ne doit pas présenter de redondance. C'est le gros risque. C'est que les artisans, s'ils ne se coordonnent pas, ils vont tous remettre une offre. Puis on va découvrir qu'en fait, ben, parfois, ils proposent tous les deux la même chose à certains endroits parce que les limites de prestation ne sont pas très bien définies. À partir de ce moment-là, ben forcément, l'offre, elle est techniquement bancale d'une part, et puis elle est plus chère puisque les prix sont comptés deux fois. Donc la maîtrise des techniques proposées, ça veut dire que, bien sûr, on propose du double flux, mais on sait ce que c'est que mettre en œuvre du double flux. Ce n'est pas emmancher uniquement des bouts de tubes les uns dans les autres, c'est faire des réseaux étanches, c'est faire des réseaux équilibrés, c'est faire des réseaux avec des faibles paires de charges, c'est faire avec des réseaux dont on a bien mesuré les débits et qu'on n'est pas en surdébit parce qu'on va avoir des surconsommations d'électricité. C'est tout ça qui n'est jamais abordé dans les formations classiques. Donc on voit bien que là, il y a des choses qu'il va falloir améliorer. Autre chose, par exemple, l'étanchéité à l'air. On en parle de plus en plus, on en parle dans les grands bâtiments, mais c'est un sujet qui n'a pas gagné l'artisan moyen. Et ce n'est pas l'artisan, c'est les artisans. Car l'étanchéité à l'air, on l'a réussi si tout le monde se sent concerné, ce qui est le cas. Si les gens ne sont pas concernés, eh ben, ça ne marchera pas, là aussi. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Il faut que ce groupement ait intégré les tâches transversales. Les tâches transversales, c'est celles qui vont les concerner tous un peu. L'optimisation du coût, ils sont tous mêlés, il n'y en a pas un tout seul. Ce genre de choses, le travail sur le chantier, les limites de prestation, jusqu'où tu vas toi, où est-ce, jusqu'où je commence, etc., à partir de quand je commence. Tout ça, il va falloir qu'ils se le définissent puisqu'ils n'ont plus de maître d'œuvre. Il n'y a personne pour leur dire, il faut s'arrêter là, toi tu commences là, etc. Il faut qu'ils le fassent. S'ils ne le font pas, ils vont se déchirer très vite. C'est pas à moi de le faire, mais si, c'est à toi, mais non, c'est pas à moi, ça, on s'en sort plus, et la discorde arrivera. L'étanchéité à l'air est aussi un thème sur lequel c'est vraiment très, très, très transversal. Le contrôle du chantier, il n'y a pas de maître d'œuvre, il faut qu'ils apprennent à être leur propre maître d'œuvre, c'est-à-dire à faire de l'autocontrôle sur le chantier. Et ça, il va falloir qu'on leur apprenne, parce que jusqu'à présent, ils ont des manières de faire, souvent, ils vérifient pas ce qu'ils ont fait. Souvent, c'est fait, c'est fini, donc on tourne la page. Puis nous, on passe derrière et on voit que ça ne marche pas. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra qu'ils apprennent eux-mêmes à faire, on leur indiquera. L'offre, elle doit être acceptable du point de vue économique, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on le reverra tout à l'heure dans le détail. Il faut mettre le particulier en confiance. Le particulier, il a tendance à voir l'artisan comme quelqu'un qui veut lui fourguer un produit particulier, qui veut, en gros, qui joue pour lui et pas pour son client. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à casser. S'il n'y a pas cette transparence nécessaire, ça ne va pas bien marcher. Donc, on voudrait apprendre aux artisans à ce que leur offre soit transparente. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là du prix? Ben, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire exactement ce que j'ai mis, combien d'heures je compte mettre, quelle est ma marge, etc. Tout ça doit être transparent et c'est comme ça que ça marchera. Souplesse. J'écoute et je corrige. Il n'est pas d'accord, eh ben, je vais faire différemment, je vais tenir compte de ce qu'il dit. Donc ça va avec l'écoute, bien sûr. Et les conditions d'exécution, pareil, c'est un exemple, seront explicitées. Voilà, on interviendra de telle façon, ça va créer tel type de nuisance, il va se passer ça va mettre tant de temps. Les choses doivent être claires entre le groupement et le particulier. Et enfin, l'offre doit être pédagogique. Parce que nous, ici, on vient de voir, on sait qu'il faut faire un facteur 4 ou 7. Le particulier, il dit, il a entendu qu'il faut rénover, mais il faut quand même peut-être qu'on lui explique ce qu'on va faire chez lui et pourquoi on le fait. C'est très important le pourquoi. C'est l'acceptation. Ah, j'ai compris. Finalement, d'abord, ce n'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Tout ça est important et tout ça doit être explicité. De même qu'on lui expliquera comment ça va se dérouler, comment les choses vont se faire. Voilà, c'était un côté d'apprentissage, j'ai envie de dire. Alors, l'opération des Rémy, qui concerne donc 15 000 logements, qui cherche à aider les artisans, eh ben, elle a procédé en faisant une formation qui a déjà eu lieu pour deux groupements d'artisans, dans lequel on cherche à les former d'abord à des problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques, il faut qu'on les en informe, il faut qu'on leur explique comment, sans faire de calcul, il faut qu'ils puissent répondre aux 50 kWh. Et pour ça, on a développé Les solutions techniques de référence. Les solutions techniques de référence, ce sont 10 bouquets de travaux qui sont issus de 4400 simulations dynamiques, donc des travaux très lourds qui ont été faits, donc c'est un travail de recherche si vous voulez, sur différents types de bâtiments représentant un petit peu toutes les typologies en France, qu'on a baladés dans les différentes zones climatiques. Et ensuite, en fonction du type de bâtiment maison individuelle ou logement collectif, on a pondéré les résultats à chaque fois par le parc respectif de maisons individuelles et de logements collectifs dans chaque zone climatique. Le but étant de ressortir une valeur unique en France pour un ensemble de solutions, une valeur unique pour le territoire. L'idée étant, on fait tous la même chose dans les rénovations, qu'on soit à Lille, à Marseille, à Strasbourg, à Rennes, on met en œuvre la même chose. Si tout le monde en France utilise l'une quelconque de ces 10 bouquets, l'un quelconque de ces 10 bouquets pour rénover les bâtiments, à la sortie, la France, le parc sera à 50 kWh. On n'est pas obligé d'être tous à 50 kWh pour y arriver. Le parc doit y être, on y arrive, c'est infiniment plus simple. Ah, bien sûr, à Strasbourg, ils seront à 80, à Marseille, ils seront à 20. Et c'est cette péréquation qui conduit au résultat. Mais la force de cette proposition, c'est que ça devient hyper simple. C'est qu'il n'y a plus de calcul à faire, c'est qu'il n'y a plus qu'un ensemble de solutions dans lequel il faut choisir la bonne. Et ça devient à la portée, effectivement, des artisans qui n'ont jamais revendiqué de faire des calculs. Jamais, au contraire même. Donc on leur apprend comment, eh ben, il y a 10 solutions, il y a 4 solutions d'isolation par l'intérieur, 6 d'isolation par l'extérieur. Donc, je sais pas, moi, vous avez un magnifique vieille ferme en pierre, c'est clair que vous n'allez pas l'isoler par l'extérieur. Donc, vous allez chercher dans les 4 qui sont là. Après, vous avez une colonne ici sur le niveau d'étanchéité à l'air que vous allez vous imposer. Si c'est un bâtiment qui fuit de partout, vous vous dites, bon, bah, je vais faire bien, mais arriver à des très bas niveaux d'étanchéité à l'air, c'est quand même très difficile. Donc, je vais m'imposer seulement 3 volumes par heure au test du N50 à 50 pascal, ou si vous êtes dans un bâtiment que vous sentez bien et vous dites ça, j'arriverai à faire quelque chose de très étanche, ben vous pouvez choisir un volume par heure. Donc voilà, c'est encore une possibilité. Puis ensuite, vous avez des combinaisons entre les isolations des murs, des planchers bas, des toitures, des vitrages. Là, il s'agit de résistance additionnelle. Vous pouvez dire, je mets le paquet, par exemple, sur les vitrages, je vais mettre du triple vitrage peu émissif argon. Et puis du coup, ça vous libère, vous le voyez, sur les résistances thermiques que vous devez mettre ailleurs. Ça, c'est des choix que vous faites. Et puis évidemment, à la sortie, il y a aussi le choix ventilation. Pratiquement toutes les solutions imposent la ventilation double flux. L'hydro-réglable, on en a mis deux parce que pour pas qu'il y ait des plaintes et des gémissements dans les. Mais l'hydro-réglable ne donne pas des débits qui sont compatibles avec les polluants qui sont à l'intérieur des logements aujourd'hui, notamment le formaldéhyde. Donc voilà. Il suffit de choisir la bonne solution pour le bâtiment qu'on a en traitement et ça devient infiniment simple. Deuxième chose, apprendre des techniques nouvelles. Par exemple, la ventilation double flux qui peut poser problème en rénovation avec la manière qu'on aurait a priori de la traiter, c'est-à-dire une colonne centrale, des distributions horizontales. Ben, en Allemagne, en Suisse, elle a trouvé une autre réponse, c'est la ventilation décentralisée dans chaque chambre. Dans chaque pièce, vous mettez une petite boîte sur le mur. Dans cette petite boîte, voilà un modèle suisse. Vous avez l'entrée d'air neuf qui va se faire par un orifice dans le mur qui est là, qui passe dans l'échangeur, qui passe, donc il y a un filtre ici, qui passe dans un tout petit ventilateur et qui est soufflé vers le bas déjà. L'air neuf est soufflé en bas, c'est-à-dire que vous n'avez plus la gêne, l'air froid qui arrive sur la tête et l'envie de tout boucher, elle n'existe plus. L'air vicié est repris par en haut, passe dans un ventilateur, un filtre, l'échangeur, et ressort ici dehors. Ces petites boîtes, la boîte de ce Suisse par exemple, il pense que quand il l'aura complètement industrialisée, elle va coûter 150 euros. Donc on a des coûts de rénovation qui vont baisser grâce à ces techniques nouvelles, qui sont effectivement moins complexes que le double flux, qui sont moins contraignantes. On n'a pas obligation de mettre des coffres, on n'a pas obligation de mettre des faux plafonds, des choses comme ça. C'est beaucoup plus facile à intégrer. Il y a comme ça un certain nombre de nouveautés qui ne sont pas en France, il faut reconnaître. Il faut aller se donner la peine d'aller les chercher en Allemagne ou d'aller les chercher dans d'autres pays. Mais tous ces gens-là sont prêts à nous les vendre, il n'y a pas de problème. Ensuite, le groupement doit apprendre, c'est ce qu'on va lui apprendre en tout cas, à fonctionner ensemble. Par exemple, lorsqu'ils ont commencé il y a eu des discussions pendant les formations, il y en a un qui a dit, il faudrait qu'on se mette d'accord pour qu'on ait tous la même marge. Ce n'est pas moi qui ai eu à le dire, c'est eux qui ont dit, pour qu'on s'entende bien, c'est clair que si lui il prend 15% quand lui il prend que 5%, ça va pas aller bien, ça va coincer. Si on doit tous faire un effort, on fait le même. Donc on a la même marge. Donc ça, c'est des débats très intéressants. Ils comprennent que pour travailler ensemble, ils ne peuvent plus fonctionner en individu. Ils sont obligés d'avoir une logique qui est plus collective. Il y a tous les aspects juridiques aussi. Donc on a, dans un premier temps, en tout cas, on a proposé qu'ils soient libres de leur structure. C'est-à-dire qu'on ne les a pas obligés à faire des GIE, des choses comme ça. En fait, ils restent indépendants. Et le devis, sera validé ensemble, bien sûr, sur sa totalité, mais la signature se fera par une somme de 6 ou 7 devis, le nombre qui sont, ça c'est clair. Et puis enfin, on leur apprend à construire cette offre commerciale réaliste, c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour comprendre ce que ça peut être, une offre commerciale réaliste, faut d'abord se mettre un instant dans la tête du particulier. Le particulier, il veut faire des travaux, mais il se dit, ça va forcément me coûter de l'argent, donc il va falloir que j'emprunte. Ça fait des remboursements, comment je vais m'en sortir? Déjà, il a peur. Emprunter, ça lui fout la trouille, donc il a peur. Alors il se dit aussi, ça va faire des économies d'énergie. Combien qui va me rassurer sur ça? Est-ce que ces économies vont compenser les coûts de mes remboursements? Il ne sait pas trop. Il se dit, pour que ça soit rentable, il faudrait qu'on me calcule un temps de retour. C'est une notion qu'il a entendue comme ça, qui n'est pas très adaptée en l'occurrence, mais qu'il a entendue. Alors, qui c'est qui va me calculer le temps de retour? Puis, finalement, il se dit, j'ai pas très confiance dans mon banquier, surtout c'est réciproque, hein, le banquier non plus d'ailleurs. Et en ce moment, le banquier n'a pas très envie de prêter aux particuliers. Donc, il se dit, finalement, l'entrepreneur, c'est lui qui va m'aider. En gros, c'est ça. C'est son rêve. C'est ce qu'il y a dans sa tête. Hein, aujourd'hui, l'entrepreneur ne sait pas forcément l'aider, mais c'est ce qu'il y a dans la tête du particulier. Mais si je pouvais avoir une aide, alors ça peut être les EIE, les gens comme ça. Mais là, on est dans une logique où, ça y est, l'EIE a passé la main et on est en face du groupement qui doit répondre. L'EIE, il canalise, il va amener les gens qui ont envie à aller vers des gens qui peuvent leur répondre. Et là, on est dans cette réponse-là. Et puis, il y a le très mauvais réflexe, c'est trop cher, c'est pas compliqué, on va réduire l'épaisseur d'isolant. Il n'y a qu'une chose à pas faire, c'est ça. Le prix n'a pratiquement rien à voir avec l'épaisseur d'isolant. Je rappelle juste cette anecdote que un gros bailleur est venu nous chercher pour faire une rénovation importante. Et je lui demande, c'est quoi la cible? Il me dit, classe énergétique C. Je lui dis, non, ça je fais pas. Moi, je fais A. Et il me répond, si vous faites A pour le même prix, c'est bon. Et on a fait A pour le même prix, 528 logements. Donc voilà, c'est pas lié. Il y aurait une grande erreur à se dire, je vais réduire l'épaisseur d'isolant, comme ça sera moins cher. Ça jouera sur epsilon, et c'est même pas la peine d'en parler. Donc, ce qu'il faut dire à ce particulier, il faut le rassurer. On n'a pas encore conclu quoi que ce soit avec lui. Il faut déjà lui dire une chose de bon sens. Vous faites des travaux dans votre maison, mais votre maison, sa valeur augmente. Donc même si vous changiez d'avis juste après, même si vous êtes plus solvable, votre banque vient vous chercher, dans le pire des cas, cette maison, elle vaut plus. Si vous voulez, vous pouvez la revendre, vous pouvez aller ailleurs, vous faites ce que vous voulez, mais vous n'avez absolument rien perdu. Les Suisses nous expliquent qu'une maison, un bâtiment, un logement, à basse consommation, vaut aujourd'hui 10 à 15% de plus sur le marché que le même logement, pas du tout calorifugé, pas du tout performant. Donc ça, c'est une première chose de bon sens. Deuxième chose, qu'il n'a peut-être pas en tête, c'est que son logement va être hyper confortable. Il suffit de demander à tous ceux qui l'ont fait. Le logement devient, il n'y a plus de parois froides, il n'y a plus de fuite d'air, ça devient extrêmement confortable. Troisièmement, les travaux vont permettre des économies d'énergie, ça fait pas un pli, mais ces économies vont être de plus en plus importantes financièrement chaque année à cause de l'augmentation du prix de l'énergie, qui est une réalité. Ce n'est pas une nouveauté. Il suffit de prendre par exemple l'augmentation des prix du gaz depuis 7 ans, c'est 7,3% en moyenne par an, en francs courants. Donc ça, c'est une réalité qui va aller dans le bon sens. Le temps de retour, cher monsieur, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, d'ailleurs. Le type qui se noie, Est-ce que, au moment où il se noie, vous lui dites, attends, on va discuter le temps de retour de la bouée, voir si c'est rentable ou pas. L'humanité se noie avec le climat aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas le moment de négocier, savoir si c'est rentable à 2 ans, à 5 ans, à 20 ans. Ça n'a plus beaucoup de sens. En ce moment, on se noie. Donne-moi la bouée, et on verra après toutes ces questions-là. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut raisonner. Et puis, le bon calcul de trésorerie pour un particulier, ce n'est pas un temps de retour brut, c'est un calcul de trésorerie qui va se faire année après année, dans lequel la première année, on regarde combien on dépense en annuités de remboursement, combien on gagne en économie d'énergie. L'année d'après, on fait la même chose, on cumule tout ça. Ce qu'on découvre, c'est qu'on a effectivement une courbe qui commence par descendre un peu parce que l'énergie n'est pas encore tout à fait assez chère, mais avec son augmentation annuelle, elle le devient. La courbe se redresse et très rapidement, elle redevient positive. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ici, c'est les prix observés sur des opérations que nous avons réalisées comme maître d'œuvre ou comme AMO. C'est des prix observés sur la rénovation, mais des prix qu'on a très soigneusement calculés. On est retourné dans les bordereaux de prix, on a fait un travail très soigneux pour voir quel était le vrai coût des rénovations, sachant que dans ces prix-là, il y a l'isolation du plancher, l'isolation, enfin des murs, des planchers bas, de la toiture, le changement des menuiseries systématiques, la pose d'une ventilation double flux, le changement de la chaudière, la régulation et l'étanchéité à l'air. Voilà tout ce qu'il y a dans ces prix-là, avec la structure, si ça vous intéresse, vous regarderez. Les toutes premières, là il y a le temps, les toutes premières opérations qu'on a faites, normales, Mulhouse 2005, première fois en France, on s'est pris des prix assez élevés, personne ne savait où il allait, 350 euros par mètre carré, c'est normal, toutes ces opérations-là datent à peu près de la même époque en fait. Et puis, on voit arriver des opérations beaucoup moins chères, à part celle-ci qui était un peu tortignole. Et puis, celle-ci où c'est des R plus 11, donc des bâtiments de grande hauteur et qui posent des problèmes qui sont spécifiques. Mais de toute façon, tout est à moins de 300 euros du mètre carré. Et on voit qu'on est plutôt, là, il y en a même eu là, à moins de 200 euros du mètre carré. On est situé entre 250 et 200 euros du mètre carré hors taxes par mètre carré habitable. Donc, ça, c'est une première référence qui est importante. Donc, à vous une indication des prix des mêmes travaux, mais sans tout le panoplie d'accompagnement, de réflexion que vous mettez en Attention, place. ces prix ne sont pas des prix faits dans la Biovallée. Ces prix sont des prix que mon bureau d'études a observés depuis 2006 sur des opérations de rénovation qu'on a lancées en France ou auxquelles on a participé. Donc c'était un mécanisme complètement différent. Il y a deux maisons individuelles, hein, il y en a une là et une là. Donc vous voyez, il y en a une à 210, l'autre à 230 euros du mètre carré. Sans bureau d'études. Celui-là, il y a des gens qui se sont débrouillés. Enfin, celui-là, c'est un prof en BTS énergie, donc il s'est débrouillé tout seul. Celui-là, c'est dans les opérations de la Bourgogne, donc on était quand même derrière pour vérifier tout. Donc voilà. Donc ça, ce n'est pas les prix qu'on pourra avoir ici. On ne sait pas encore ces prix-là. C'est les prix qu'on a observés ailleurs, en France d'ailleurs, dans toute la Ça, je France. comprends très bien, mais tout à l'heure, vous disiez que il y a, par exemple, parce que chaque artisan prend un peu plus de marge, il manque de concentration, etc., etc., et ça rend les travaux nettement plus chers pour un particulier si c'est pas fait dans la démarche Ouais. que vous proposez. Moi, Et je. je crois pour convaincre que c'est utile d'entamer une démarche qui, au premier vue, paraît complexe, lourde, etc., en fournissant, donc par exemple, l'argument que globalement, vous arrivez à réduire le coût des travaux de, je sais pas, 20% ou quelque chose comme Oui, ça. on n'a pas de référence parce qu'en France aujourd'hui, il y a, enfin, j'en connais pas, il y en a probablement, mais il n'y en a pas beaucoup, de bâtiments rénovés par des particuliers à 50 kWh tout seuls dans leur coin. Ça n'existe pas, c'est-à-dire que je ne peux pas comparer. Ça, il y a quand même, on était derrière, hein, donc on a dit il faut faire ça, etc., etc. Aujourd'hui, un particulier rénove. Il se verra fourguer au hasard les épaisseurs d'isolant, les vitrages, etc. Il y a rien aujourd'hui qui va dans cette direction. On n'a pas cette référence-là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on laisse filer les choses, elles seront jamais à 50 kWh. Ça, c'est certain. Donc, en fait, on veut partir du bon pied dans la Drôme en disant on va encadrer ça pour que justement on soit au niveau de 50 kWh. Alors, aux artisans, on va leur donner ce petit outil sous Excel qui va leur permettre à eux d'optimiser leur offre et aussi d'aller voir le particulier pour en débattre de façon très transparente. Je mets la surface de la maison, la consommation d'énergie, de gaz ou de n'importe quoi la première année, la consommation d'électricité, c'est un exemple que je vous donne là, les objectifs, donc 50 kWh, puisque j'ai 100 mètres carrés, 50 kWh par mètre carré, ça fait 5000, une petite économie facile à faire sur l'électricité qu'on comprendra en même temps. Voilà, première chose. Deuxième tableau, c'est les paramètres énergétiques. J'introduis, en l'occurrence, le coût actuel du gaz. J'introduis le coût actuel de l'électricité. Et ici, je fais des hypothèses. Je fais des hypothèses sur l'augmentation du prix des énergies en euros courants. Donc, ça inclut l'inflation. Hein. C'est-à-dire qu'en pur, il faut enlever au moins 2% sur ces choses-là. Troisième panneau, comment je finance ? Donc, j'envisage... J'ai mis exprès la marge un petit peu haut. Je vous ai dit que c'était entre 200 et 250 euros hors taxes. Il faut rajouter 7% de TVA. Il faut rajouter quelques autres bricoles. Bref, j'ai supposé qu'il y avait 300 euros pour ne pas m'embêter. Avoir une petite marge, 100 mètres carrés, 30 000 euros. Je finance par le prêt à taux zéro qui est parfaitement compatible avec les bouquets, ou c'est plutôt les bouquets de solutions qui sont compatibles avec lui. J'ai donc droit à hauteur de 15 ans également. Le remboursement se fait en 15 ans. Donc, je n'ai pas besoin d'un prêt supplémentaire, mais si c'était le cas, je le modéliserai ici. Je n'ai pas non plus d'apport ou de subvention. J'aurais pu mettre les certificats blancs ici, par exemple, ce qui m'aurait réduit le montant de mon prêt à taux zéro. Et j'ai ce type de résultat. C'est-à-dire que je calcule le bilan trésorerie cumulé année après année. Donc, évidemment, chaque année, j'en perds un peu au début. Puis, vous voyez, ça se tasse. Ça passe par un minimum dans le cas que je vous ai donné là, qui est au bout de 6 ans, j'ai en cumul 1863 euros dépensés sur 6 ans, c'est-à-dire 300 euros par an, c'est-à-dire 25 par mois. C'est acceptable. Je passe en positif au bout d'11 ans et demi, et ensuite, eh bien, je ne fais que gagner de l'argent. Voilà. Donc, c'est avec ce genre de courbe qu'on va aller vers le particulier pour lui dire, bon, est-ce que vous acceptez finalement à son épargne, on ne recourt qu'à hauteur de moins de 2000 euros sur une durée de 6 ans, c'est quand même jouable. Et puis au bout d'11 ans et demi, eh ben, il va gagner de l'argent. Tous les ans, il va emmagasiner de l'argent. On va avec cet outil jusqu'à ce qu'il l'accepte. Est-ce que ça vous convient, ça ne vous convient pas, etc. Ça veut dire qu'on peut avoir à retravailler l'offre. Et on en vient à ça. L'offre doit être, si elle est jugée trop élevée, elle doit être retravaillée. Alors comment ? Première chose, on regarde les redondances. Qu'est-ce qui serait comptabilisé deux fois dans le devis qui a été remis. Deuxièmement, on peut retirer tout ce qu'on a pu mettre en option, des choses comme le chauffe-eau solaire, toutes ces choses-là, on va les éliminer, on va faire le minimum pour arriver aux factures 4. On va demander à chacun de vérifier son offre pour être sûr qu'il n'a pas introduit des éléments j'ai mis tant d'heures ici ou tant de jours ici, je peux faire mieux. On le fait tous, on sait que c'est faisable. Donc on revoit un petit peu en serrant son offre parce qu'on a envie que ça marche. On revoit sa marge si c'est nécessaire, on voit la marge collective. On peut reprendre la nature de l'offre s'il y a des solutions moins chères. On est parti sur la combinaison de bouquets numéro 2. On se dit, tiens, est-ce que la 3 serait pas moins chère ou la 6, j'en sais rien, moi. C'est dommage, mais on peut dégrader certaines prestations du genre, j'ai mis des menuiseries en bois, je sais que c'est plus cher que le PVC, qu'est-ce qui se passe si je mets du PVC, par exemple ? On peut simplifier parfois, certaines prestations. Et puis, dernier recours, mais il ne faut vraiment pas en user trop, c'est ce qu'on appelle le geste commercial. Allez, je fais encore moins 2% sur le prix auquel j'arrive parce que cette opération m'intéresse. Ça s'appelle travailler son offre et ça se fait rarement par un groupement, ça se fait même jamais en groupement et ça se fait pas très souvent avec un artisan tout seul. Alors l'opération Doremi, en quoi est-ce qu'elle consiste en 5 étapes très rapidement ? Premièrement, on a fait un appel à candidature des artisans et des petites entreprises qui seraient intéressés en leur disant, ben voilà, ce qu'on cherche, c'est des gens qui travaillent sur ces corps d'État-là. Je vous laisse lire. C'est ça qu'on veut. Et dans chaque groupement, il faudra qu'il y ait au moins un représentant de chacun de ces corps d'État-là. Condition qu'on demande, c'est qu'ils aient d'abord suivi les formations FIBAT 1 et FIBAT 3. Chacun, le 3, c'est par spécialité. c'est de la culture générale, ces formations FIBAT, ce n'est pas des choses très spécialisées. C'est vraiment un point d'entrée, on a quand même envie de parler le même langage. On demande que 10% du personnel de la société suive cette formation. Ça a déjà été évoqué plusieurs fois aujourd'hui. Est-ce que c'est le patron qui vient ? Bon, quand c'est une petite boîte, c'est le patron qui vient. Mais simplement, si la boîte est un peu plus grosse, on aimerait qu'il ne soit pas seul. Ça, c'est une deuxième contrainte qu'on a mise. Et puis, une contrainte qui est forte, mais pour l'instant, c'est jamais que des mots, qu'ils acceptent dans le principe le fonctionnement en groupement avec un pilote à la tête et des règles qu'on a édictées. Donc, ils s'engagent à signer une charte pour respecter ces règles-là. Deuxième étape, ce sont les formations préliminaires de 2 jours qui vont reprendre tout ce qu'on vient de voir. Tout ça, les points techniques, les points économiques, le fonctionnement, tout ça, ils le font en 2 jours. Je vais pas le lister, vous le relirez tranquillement. C'est des éléments qui sont nécessaires, mais pas encore suffisants. Donc, on a déjà eu 2 formations avec à chaque fois 20aine d'artisans sur ce format de 2 jours. Puis ensuite, on va faire une formation technique plus spécifique cette fois pour des métiers. Il y aura une formation, ça va durer une journée au total, mais une première demi-journée, c'est tout le monde sur l'étanchéité à l'air. Tout le monde, tous les corps d'État. Et l'après-midi, on verra par métier cette fois pour les chauffagistes, pour la ventilation, pour l'isolation extérieure. Bref, métier par métier, des informations qui sont plus précises. Quatrième étape, groupement, on leur demande de se former. On leur demande de se remettre ensemble pour avoir les différentes compétences qu'on a vues tout à l'heure et de nous faire une offre en nous disant, voilà, on va se mettre un tel, un tel, un tel. Donc nous, on vérifie qu'il y a bien les compétences qu'on a demandées, qu'ils ont bien suivi les formations qu'on a demandées. Et de nouveau, on leur demande de confirmer qu'ils acceptent le fonctionnement en groupement avec les règles. Et puis enfin, on a le budget pour suivre 5 groupements. Dernière étape, la plus longue, la plus complexe, c'est qu'on va les accompagner ensuite, chaque groupement, sur 2 opérations de A à Z. C'est-à-dire A, ça veut dire qu'on va aller avec eux faire l'état des lieux. Ce n'est pas le diagnostic, on ne fait plus de calcul. On vient voir comment se présente le bâtiment, l'état des murs, est-ce qu'il y a de l'humidité, si oui, pourquoi, etc. Bref, avant de commencer à travailler sur un bâtiment, il faut savoir d'où on part, c'est cette étape-là, on le fait avec eux. On établit les coûts avec eux, enfin ils les établissent et on discute avec eux sur la manière d'affiner son prix. Puis on les suivra sur les chantiers pour leur montrer ce que nous, comme maîtres d'œuvre, on regarde et pour faire en sorte que demain, eux, quand ils ont terminé leur travail, ils se disent « Ah, il a dit qu'il fallait regarder l'étanchéité à l'air des réseaux d'air. Alors, comment on fait ? On met en pression, ok, ils vont le faire. » Et donc le but, c'est de s'auto-contrôler. Donc cette étape chantier, elle est très importante. Puis enfin, il y a la réception de l'opération à la fin. C'est eux-mêmes qui devront le faire. Ils bénéficieront d'une attestation qui leur donnera un petit plus. Quand il y aura des EIE qui feront avec des clients qui seront intéressés, la liste de tous les groupements sera fournie et le particulier, c'est lui qui choisira. On ne se mêle pas de ça. Il y a des lois de marché, c'est à celui qui proposera ce qui est le plus intéressant au particulier qui le remportera. Voilà. Donc la conclusion, on va la passer vite, hein, c'est que voilà, si on ne fait pas cette opération de formation des groupements, le marché énorme de la rénovation un peu partout en France échappera, enfin se fera pas. Moi, je pense qu'il ne se fera pas ou pas du tout, ou à la marge. Et donc, c'est absolument essentiel qu'on procède à ce type de formation, même si c'est lourd. Je vois pas comment on peut l'éviter. Merci de votre attention. Bonjour. Qui est-ce qui finance les formations ? Qui finance les formations ? Ce sont les artisans eux-mêmes ou c'est non, pas du tout. C'est tout gratuit pour eux. C'est la région qui a pris en charge l'ensemble du programme qu'on a proposé. On peut imaginer qu'on passe en fait sur une bonne partie de ces 100 000 euros sur des fonds professionnels, effectivement, et plus seulement sur des fonds publics, région. Donc ça, c'est envisagé. On a discuté avec la directe, donc la direction qui s'occupe de l'emploi au niveau de l'État, décentralisée. C'est possible sur la partie préalable, sans aucun souci. Il tique davantage sur la partie accompagnement technique. Mais c'est envisageable, d'autres régions l'ont fait, notamment Nord-Pas-de-Calais, sur un certain nombre d'accompagnements de ce type-là. Moi, je voulais juste savoir où en était cette action, parce que vous disiez que les formations s'étaient déjà déroulées. Est-ce que les groupements ont été identifiés? Est-ce qu'ils sont déjà opérationnels et... Alors, on a eu deux formations de 2 jours. On a eu 40 artisans au total. On a une troisième formation qui va se faire d'ici Noël. Donc, on pense qu'il y aura 60, 70 personnes au total qui ont suivi cette formation. 3 groupements se sont déjà constitués. On en cherche 5. C'est pour ça qu'on fait une dernière formation pour que tous ceux qui pourraient être intéressés aient suivi la formation. Voilà. Et dès que les groupements sont constitués, les 5, on lancera la dernière étape qui est celle du travail sur chantier. En fait, des groupements d'artisans, il y en a déjà eu. Hein, Vous non ? Oui, on s'est déjà croisés. C'est pas mon étudiant un temps ? Non. DESS, non ? C'est pas au DESS à Chambéry ? Ah si. Ah ouais, voilà. Il se souvient plus de ses profs, et moi je me souviens des étudiants. Donc voilà, il y a eu des expériences, je pense notamment à la CAPEB 05, là, qui avait formé une opération de groupement d'artisans qui s'appelait COBATI 05. Notamment sur l'approche rénovateur énergétique avec des prestations globales coordonnées par les entreprises elles-mêmes. Après, il n'y avait pas tout le volet de formation préalable qui permettait, un renforcement des compétences dans le cadre d'une offre collective. Par contre, le constat qui a été fait, c'est que cette initiative, elle n'a pas trouvé preneur derrière. Elle est un peu morte de sa belle mort. Parce que, d'une part, ça... Alors, c'est peut-être culturel, je ne sais pas, c'est propre aux Hautes-Alpes, hein, mais... c'est pas comme ça que quoi, ça répondait pas à une commande finalement, hein, de la part des particuliers dans la manière dont il envisage de réaliser ses travaux. Ça, c'est le constat qui a été fait, hein, où finalement le particulier il sait ce qu'il a envie de faire avec les moyens qu'il a et il a du mal à démordre, on va dire, de sa propre perception de sa nécessité de travaux. Donc en parallèle, il y aurait très certainement aussi un besoin d'accompagnement aussi des futurs clients, mais bon, comment et comment aller à leur rencontre. Et l'autre point aussi, hein, qui a été constaté, c'est la difficulté dans le temps aussi de coopération inter-entreprise au sein d'un groupement, considérant aussi des situations économiques qui sont toujours très fragiles, hein, sur les TPE-PME, où il peut y avoir des changements d'activité assez réguliers au sein de ces entreprises. Donc, est-ce que dans le cadre de ce programme-là, a été anticipé à la limite de susciter la commande auprès des particuliers, parce qu'une fois que l'offre est disponible, il faut susciter la commande. Et une fois que le projet serait enclenché, de quelle manière on pourrait pérenniser aussi la coopération entre les entreprises pour qu'elles puissent... D'accord. Alors, pour le premier point, on peut susciter la commande, mais très peu. Très, très peu. On n'a pas vraiment de pouvoir. Simplement, en créant... C'est l'œuf et la poule, cette histoire. C'est-à-dire, tant que les particuliers n'ont pas en face d'eux vraiment une structure qui les met en confiance, qui leur fait quelque chose qui est optimisé, parce que je vois très bien, hein, ce qui se passe, je pense ils ont peur, d'abord, parce que je ne sais pas exactement ce à quoi vous faites allusion, comment ça s'est passé. Ces groupements devaient être un peu informels. Ils n'étaient pas très structurés. Là, on essaye vraiment de leur donner un mode de fonctionnement optimal, avec des coûts optimisés. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il ne se passe rien. Donc, pour que ça puisse démarrer avec une offre minimaliste, il faut au moins qu'on ait fait ça. Sinon, on se mord la queue, il ne se passe jamais rien. Première chose. Deuxième chose, il va se passer des choses parce que l'État a décidé de passer à l'action. Il va le faire. Le président a rappelé lors de la conférence environnementale, c'était une des priorités, le plan de rénovation. Donc, il va y en avoir. Donc, il va y avoir des moyens mis en face, voire des contraintes. Et le dernier élément, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'augmentation du prix de l'énergie. C'est ça qui fait que la demande va se construire. Et nous, on veut simplement qu'une offre soit prête à ce moment-là. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais c'est évident, vous avez raison, hein. Nous, on ne peut pas la stimuler, cette demande. Elle va se faire toute seule par le contexte global. La deuxième chose, c'est la pérennisation des entreprises. Ben ça, oui, bien sûr. Peut-être que justement, faire qu'ils aient un marché comme ça, local, il est vraiment local le marché, abondant, on l'espère, va les aider à avoir une stabilité économique, parce qu'ils auront du boulot, ils seront les premiers en plus, il faut voir ça, ils vont être les premiers à être bien formés, ceux-là, ils ne vont pas manquer de boulot. C'est ceux qui ne sont pas venus tout de suite qui vont avoir plus de difficultés. Après, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Il y a un élément également sur le cluster éco-énergie qui est aussi partenaire, donc qui n'a pas été cité là. Le cluster a une action sur les groupements, la formalisation des groupements. Donc un accompagnement des entreprises qui souhaitent se mettre en groupement formalisé, donc soit associatif, soit SCOP, soit SIC, SA, SARL, etc. Et du coup, ils ont une aide. S'ils souhaitent, si les groupements informels qui sont constitués là souhaitent aller plus loin, ils ont une aide à la fois stratégique, enfin conseil, et éventuellement financier, je ne sais pas dans quelle mesure, pour avancer sur cette constitution en groupement formel, ce qui peut permettre de réfléchir davantage sur les questions de coopération entre les entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Lorsque vous évoquez le parc, gisement d'économie d'énergie, vous avez évoqué les propriétaires et puis la peur qu'ils peuvent avoir. Alors sur le volet économique, vous avez évoqué une solution qui peut être le taux après zéro, le prêt à taux zéro, pardon. Mais qui dit propriétaire dit des gens qui ont dû faire peut-être un crédit, qui n'ont plus les moyens d'investir, peut-être des gens qui sont déjà en précarité énergétique, des gens qui n'ont plus de bas de laine. Est-ce que ces gens-là peuvent être concernés ou c'est déjà foutu pour eux ? Non, au contraire. Mais vraiment au contraire. C'est le prêt à taux zéro, c'est un prêt qui est... Justement, il a été fait pour ça. Donc, c'est un des rares prêts qui rapporte de l'argent. Quand vous achetez une voiture avec un prêt ou une machine à laver ou une maison, ça ne vous rapporte rien. Donc, les banques ont peur de ça. Là, les banques, elles ne prennent pas un gros risque. Justement parce que ce prêt va se rembourser lui-même. Il n'y a pas de condition d'accès au prêt à taux zéro. Après, la banque fait ce qu'elle veut, ça c'est clair. Elle n'a pas obligé de vous dire que vous avez une tête qui ne lui revient pas. Mais elle est libre, ça c'est certain. Mais elle est rassurée grâce à ça. Oui, mais on peut être déjà à la limite de... Justement, ça fait partie des grandes discussions il y a déjà longtemps avec les banques qui ont dit « mais c'est pas possible ce que vous racontez » parce qu'on avait marié ça au moment des sessions. On dit « mais les gens, ils sont déjà au taux maxi ». Sauf que très vite, les banques ont quand même compris que cet emprunt-là ne pouvait pas s'ajouter à l'autre, justement parce qu'il ne coûtait rien. Je fais le même prêt pour acheter une voiture. Ah bah oui, c'est clair, si je ne suis pas solvable, c'est 2000 euros par an. Bah là, non, c'est une somme qui est très faible. Vous voulez ajouter quelque chose ? Attendez. Je connais la réalité des banques. Dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la banque considère... Qu'est-ce que c'est le prêt à taux zéro ? C'est une opération des banques. Simplement, l'État dit à la banque, moi, je vous finance l'intérêt, ça lui coûte 25% du montant, qui va faire sous forme d'un crédit d'impôt aux banques, crédit d'impôt sur les sociétés, la deuxième année. Donc, il leur verse tout d'un coup. C'est pour ça aussi que c'est moins que ce que vous payeriez. Mais derrière, si vous regardez les conditions du prêt... En fait, le banquier ne fait pas un métier de banquier, il fait un métier de thermicien. Et il a dit, stop, ça me suffit. Moi, je ne vais pas plus loin. C'est pour ça que les 10 solutions, les 10 bouquets que j'ai proposés là, vous prenez n'importe laquelle, elle répond à tous les critères du prêt à taux zéro, 30 000 euros, 15 ans. C'est-à-dire, c'est des bouquets, il y a au moins 3 types de travaux, etc. Nous, on en a 6. Tout est dedans et les valeurs de résistance additionnelles sont les bonnes par rapport à ce qui est demandé. Autrement dit, le banquier, avec ça, terminé, il n'est plus embêté, il n'a plus à regarder, il sait que c'est les solutions techniques de référence, il n'a plus à se casser la tête, on lui enlève ce qui l'embête aujourd'hui. Voilà. Alors, ce que je sais tout ce que vous dites, hein, ce qu'on se dit juste, nous on va aller les voir, les banquiers, avec tout ça, on veut les remettre en marche. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro, il est planté par les banques, on est tous d'accord sur ça. Il faut juste qu'avec l'État aussi, on le sait, on a des contacts, l'État... fonde toute sa stratégie sur le PTZ. Donc, il faut que ça marche. Et il va faire ce qu'il faut pour que ça marche. On va y arriver. Pour l'instant, je suis tout à fait d'accord que si on ne va pas discuter maintenant ce qu'on va faire, on va les mettre, hein, toutes les banques du coin, on va aller les voir, on va leur expliquer l'approche, on va leur dire pourquoi leur métier va redevenir un métier de banquier et que ça va fonctionner. Aujourd'hui, je suis complètement d'accord. Hein, ça freine dur. Il y a des éléments aussi à prendre en compte sur les aides supplémentaires. Là, Olivier a centré sur la partie prêt à taux zéro, mais il y a aussi... On est déjà très en retard. Il y a également des aides régionales dans le cadre des rénovations exemplaires. Donc il y a 1000 rénovations exemplaires, dont 500 qui portent sur les maisons individuelles, donc avec des financements qui sont entre 1000 et 6000 euros par logement. Il y a donc ça, il faut les mobiliser, mais c'est l'objectif, c'est que les artisans soient en capacité de porter les dossiers aussi. Il y a des aides type crédit d'impôt. Pardon, il y a des aides d'abord type CE, donc certificat d'économie d'énergie, donc 1 500 euros par logement. Il y a des aides, donc ça, qui sont pris en charge par les organismes type CAPEB qui, qui ont déjà des mécanismes. On n'a pas encore trouvé le moyen de valoriser mieux que ça pour l'instant. Il y a également des aides du type crédit d'impôt, quand c'est cumulable, crédit d'impôt développement durable, en fonction des conditions de ressources. Après, effectivement, ça ne règle pas tous les problèmes. On n'a pas vocation à les régler tous là. Je pense qu'au niveau financement, on pourra peut-être passer à Claudio qui a d'autres mécanismes à proposer en termes de financement. Je me pose la question par rapport aux nombreux foyers qui ont déjà fait l'effort de ou changer leurs fenêtres ou isoler leur toit, etc. Comment les groupements vont pouvoir répondre à leurs demandes à eux du fait qu'on ne fasse pas de calcul? On l'a déjà ce problème dans les celles que je vous ai montrées, on a déjà ces difficultés-là. Bon, c'est du cas par cas, c'est-à-dire que le cas le plus fréquent, c'est la fenêtre, dont ils sont tous toujours très fiers. Si elle a 10 ans, par exemple, il n'y a aucune fenêtre de 10 ans qui correspond effectivement aux exigences dont on a besoin là. Donc les fenêtres, elles seront changées. Si la fenêtre a 3 ans, ça paraît pas très possible. Je plaide pour la souplesse. C'est-à-dire, par exemple, il y a une chose, je n'ai pas eu le temps d'en parler, le plancher sur terre-plein au rez-de-chaussée. On ne va pas faire casser le terre-plein pour aller mettre un isolant. Donc on dit, le jour où ils referont leur rez-de-chaussée, ils placeront l'isolant à ce moment-là. Voilà, ça fait partie. Il y a une ou deux dérogations qu'il faut accepter. C'est ce que j'ai appelé la souplesse, quoi, en gros. Donc ça sera à négocier au cas par cas, avec une certaine fermeté quand même. Il faut des règles, hein. Mais c'est sûr qu'il faut s'adapter, on le fera à chaque fois. Et pour les morceaux de laine de verre qui pourraient traîner en toiture et être à moitié écrabouillés, ils dégageront et seront remplacés par quelque chose de propre. De toute façon, ça ne change pas, je pense que le bilan économique reste très intéressant. Oui, c'était pour savoir si le logiciel avait une vocation à une diffusion plus large au niveau national. Le petit outil de calcul, là ? Oh oui, nous tout ce qu'on fait, en général, ça finit sur notre site internet. C'est pas compliqué, hein, c'est des calculs financiers, pas sorciers, hein. Donc, de toute façon, les artisans, ils l'auront déjà. Pour l'instant, l'objectif, c'est de voir s'il fonctionne. Donc, on en est à cette phase-là. Honnêtement, on a commencé à discuter de la diffusion plus large de ce type-là de modèle. Mais voilà, pour l'instant, on est encore en phase pendant au moins 6 mois de voir jusqu'où on peut aller. Est-ce que ça fonctionne en termes de maisons individuelles, de rénovation? Est-ce qu'on trouve les bonnes maisons individuelles? Pour l'instant, on n'en a que 5 ou 6 sur les 20 dont on avait parlé. Donc, on a parlé de la demande tout à l'heure. Sur l'offre, ça commence à se structurer. Sur la demande, sur le territoire, c'est plus compliqué. Donc là, effectivement, est-ce qu'on va trouver les 20 maisons individuelles qui sont partants pour les 20 maîtres d'ouvrage qui sont partants pour rénover globalement? On est encore en cours de recherche. C'est la Biovallée qui s'occupe de cette partie-là, de la mobilisation. Donc, voilà, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là.